êtes sur RIS. Il est exactement 9h. Radio Interscope, 24h sur 24. Actualité, musique, émissions, documentaires. Demandez le programme. Et si vous aussi vous voulez nous faire un petit coucou et faire vivre notre club Begin, n'hésitez pas et composez le 05 90 80 38 40. Notre répondeur à votre disposition. Pour la diffusion de tous vos communiqués, composez le 05 90 80 38 40. Et retrouvez vos communiqués sur l'antenne à 6h30, 8h30, 12h30, 18h30 et 20h30. 5 rendez-vous avec les communiqués sur votre radio. Radio Interschool vous propose également ce menu à préparer chaque matin. Prenez 2 décilitres de patience, 1 tasse de bonté, 4 cuillères de bonne volonté, 1 pincée d'espoir, 1 dose de bonne foi et ajoutez 2 poignées de tolérance, 1 paquet de prudence et quelques brins de sympathie, 1 poignée d'humilité et une grande mesure de bonne humeur assaisonnée de beaucoup de bon sens. Laissez mijoter et vous obtiendrez une bonne journée. Du bonheur avec Radio Interschool pour toute la journée. Le carnet d'Inou de Radio Interschool, c'est tous les jours un rendez-vous où vous avez la parole. À cette époque, on s'est rendu compte de l'importance de cette maladie drépanocytaire dans notre population. Sincèrement, je remercie Radio Interschool et j'espère que les élèves sont conscients de la chance qu'ils ont et qu'ils en profitent. Pour participer, appelez-nous au 05 90 80 38 40. Le carnet d'Inou, c'est vous qui avez la parole. C'est vous qui avez la parole. Tous les jours à midi, déstressez-vous la vie. Rire et chansons sur RIS 99 et 106 FM et sur le net www.radiointerschool.net. Rire et chansons sur RIS, moins de stress. Allons-y. Tous les dimanches, Interschool. Du bonheur avec Radio Interschool toute la journée. Monde scolaire à sa radio, Radio Interschool. Sans angoisse, c'est celle qu'on a tous des combats. Si je t'ai pas qu'à faire. faire sans sang. C'est tout seul connaître pour tes combats. Tu n'y j'étais pas qu'à faire sans sang. C'est tout seul connaître pour tes combats. Parler de sa compagne Bouchi. Gardez ça nous a divini. Nous pédis ni un coup y vini. La gueule qu'il dit toute la nati. Pas même parler de la qu'il dit. C'est pays à qui j'ai un chépi. Si longtemps nous étions saisis, mettez griffes en tête pour aujourd'hui, nous finissons, j'ai là nous sortis. Nous pas là pour attendre Messi, Jacques a été nous agir, faut que nous relevions toutes les défis. Bâtiment mais l'homme au pays, pour les yon entrer dans la vie, yon rive tout petit à petit. Pas respecter valet aussi, yé pas y dit mais on l'autre fiji, destin pas pour moi au pipi. Yon ka parler nous distati, digi sorti d'y en colonie, yé petit à plus l'autonomie. Si après la pluie c'est l'embellie, c'est peuple la seule qui a écrit. Ça il est non qu'on arrive, oui. Merci, ça vous dit.